qu'on puisse ressentir suffisamment l'énergie, mais toujours maintenir notre conscience astrale pour pouvoir bénéficier de l'énergie sur le plan planétaire. Alors, ça nécessite une décoloration du corps astral suffisante pour que la canalisation se fasse. Autrement dit, pour que les formes qui font partie de notre mémoire n'empêchent pas le courant de passer. C'est pour ça que des fois, je vais parler et je vais faire des fautes de langage ou je vais employer des mots qui ne sont pas corrects, mais qui sont justes. Ou je vais sacrer, je vais employer des formes de langage qui créent dans le corps astral un petit choc pour désengager, pour permettre aux gens d'en arriver à pouvoir sentir la vibration de mes mots, pour qu'eux autres en arrivent éventuellement à pouvoir sentir la vibration de leur intelligence. Mais si les gens sont bloqués astralement, s'ils sont conditionnés astralement par une coloration qui provient des complexes, automatiquement, ils ne pourront jamais sentir cette vibration-là et automatiquement, ils ne pourront jamais être dans leur intelligence. Quand je dis, moi, que l'intelligence, c'est une énergie, je veux dire deux choses. Je veux dire que l'intelligence, c'est suffisamment puissant pour changer toutes les vibrations des principes de l'homme et de l'amener sur un autre plan. Et aussi, c'est suffisamment puissant pour ajuster tous les principes de l'homme et le garder dans la matière, mais de le maintenir dans la matière comme canal, pour l'amener, lui, à fonctionner d'une façon totalement consciente et créative, et pour vivre dans la matière tant qu'il doit sortir de la matière. C'est pour ça que nos émotions, le corps astral, je parle toujours contre le corps astral et la conscience astrale. Quand je parle contre la conscience astrale, c'est pour faire comprendre aux gens l'importance de vivre à un autre niveau, vivre un peu en dehors de leur émotivité subjective. Mais je ne dis pas que l'homme doit vivre en dehors de sa conscience astrale, pour le moment. Plus tard, oui. Et notre conscience... Vas-y. C'est parce que, quand tu parlais tout à l'heure, d'une façon bien éthérique, c'est qu'on dirait que l'intelligence astrale, c'est, quand tu peux parler avec l'intelligence astrale, c'est pour que tes interlocuteurs ou ton environnement ne décrochent pas. Parce que de suivre, par exemple, dans un mouvement où ça devient, il y a une élévation que l'énergie monte, et à un moment donné, s'il n'y a plus de point de référence astral, il y a un déclencheur. Quand tu sais te servir de l'intelligence astrale, tu permets de suivre un mouvement dans l'énergie où l'individu décroche là. C'est ça. Sans ça, si tu fais décrocher les gens, c'est là qu'arrive l'affaire de l'ego. Ou la magie, ou les choses de même. Si tu te sers d'une énergie pour faire décrocher les gens vont vivre des expériences, mais ces expériences-là vont les retarder. Parce que l'homme doit arriver à l'éther par progression. L'homme doit arriver à l'éther d'une façon très douce, comme un soft landing, pour qu'il puisse être conscient quand il arrive à l'éther, pour qu'il puisse passer à l'éther, revenir à la matière, passer à l'éther, revenir à la matière, pour qu'il puisse bénéficier de tous ses principes comme il veut. Sans ça, l'homme vit sous l'effet d'un choc vibratoire. Puis en vivant sous l'effet d'un choc vibratoire, il vit une expérience occulte, si tu veux, il vit une expérience haute. Et cette expérience haute, au lieu d'engendrer en lui de l'intelligence, crée en lui du traumatisme. Puis ça, c'est pas bon. On va se servir de l'astral, on ne sera plus asservi. On doit se servir de l'astral et pas être asservi par l'astral. Exactement. À ce moment-là, c'est très important. Oui. C'est très important qu'on apprenne à se servir de l'astral tant qu'on est en matière, parce que la vie sera plate en maudit pour nous autres. Parce que vous allez voir dans vos expériences qu'à un certain moment, ils vont vous couper astralement, ils vont vous couper. C'est comme s'ils neutralisent le corps astral à un tel point que la vie vous fait à peine d'être vécue. C'est comme si on tombe dans un état de dépression. Ça, ils font ça pour nous déconditionner à l'émotivité qui est dans l'astral. Éventuellement, au moins, ils nous replantent. Mais il va venir un point plus tard où ils vont nous couper complètement de ça. Puis quand ils vont nous couper complètement de ça, on va rentrer dans d'autres choses. Mais ils le font sagement, petit à petit, petit à petit. Fait que nous autres, en attendant, pendant qu'on se conscientise, pendant qu'on se lave, c'est un lavage, pendant qu'on se nettoie astralement des formes qui nous enlèvent notre intelligence, au moins on peut bénéficier de la vie matérielle à un niveau que les masses ne peuvent pas, parce que les masses sont trop prises dans ces formes-là. Puis quand vient le temps pour nous autres de passer d'un autre plan à un autre, mais le travail a été fait, puis il n'y a pas de soubresaut dans la conscience humaine, il n'y a pas cette décapitation-là. Alors c'est pour ça que pour nous autres, c'est très important de comprendre la valeur de l'intelligence astrale. Puis il y a une grande valeur dans l'intelligence astrale, ou dans l'intelligence qui est astralisée, mais pourvu que l'intelligence astrale est soumise à l'intelligence cosmique. C'est-à-dire que pourvu que l'intelligence qui est perçue par nos facultés inférieures soit harmonisée à l'intelligence qui est supérieure à nous autres. Puis quand que ça se produit, ça? On connaît ce que j'appelle la connexion des forces de vie. À partir de ce moment-là, nos corps mental, émotionnel, vital, physique, sont soutenus par cette énergie-là. L'énergie de l'intelligence, c'est pour ça que j'essaie de faire comprendre aux gens que l'intelligence est de l'énergie. Quand l'homme sera rendu à vivre dans l'énergie de l'intelligence, même son corps matériel sera sous le contrôle de l'énergie de l'intelligence. Moi, je suis sûr que mon cœur aujourd'hui ne vaut rien. Pourtant, il fonctionne. Si je n'étais pas connecté à l'énergie de l'intelligence, puis je fonctionnais un qu'au niveau astral ou mental inférieur, probablement que je ne serais pas sur le plan matériel. Parce que mon cœur a été trop torturé. Mais le fait qu'il y ait une connexion entre ma conscience inférieure puis la conscience supérieure, ça permet que mon cœur continue à fonctionner. Puis ce qui arrive, c'est que quand on vit, plus on avance vers la conscience, vers l'énergie de l'intelligence, plus on est soumis à des épreuves de différentes sortes qui nous forcent à substituer notre intelligence astralisée et de la soumettre à l'intelligence cosmique. Je vous donne un exemple graphique, là. T'es couché dans ton lit, il est 3h du matin. Tout d'un coup, t'as l'énergie de prendre ton char puis aller quelque part, 200 000 plus loin. Il n'y a aucune raison là-dedans. C'est l'énergie de l'intelligence qui te pousse à ça. Mais quand tu es capable de faire ça, c'est que tu fais une connexion. Ils te font faire une connexion entre tes principes inférieurs et tes principes supérieurs. C'est comme ça qu'ils font la connexion. Nous autres, avec notre énergie astralisée, on le fera pas. On dirait, oui, on est 3h du matin. La femme, elle va dire, oui, on reste couché. Si tu fais là, tu sens aller, tu fous. Mais si tu vas, si tu suis l'énergie de ton intelligence, puis tu te lèves, puis tu prends ton char, puis tu t'en vas faire ton voyage de 200 000, puis tu reviens, à ce moment-là, il se fait une connexion. Puis cette connexion-là, elle se fait à tous les niveaux de ton être. Puis éventuellement, tu t'habitues, puis tu t'habitues, puis tu t'habitues. C'est pour ça qu'éventuellement, tu développes une volonté inépuisable, une volonté... est connectée à ton intelligence. Fait que tout le reste de toi suit. Fait que t'as plus besoin de t'inquiéter de ta santé, puis t'as plus besoin de t'inquiéter de ci, puis de ça, parce que c'est l'énergie qui tient. T'as le fil. Mais ce qui nous empêche de faire ça, ce sont nos complexes. La coloration trop dense de notre astralité qui est liée à notre mémoire. Alors, on se coupe de ça. Et tous les hommes qui vont passer à l'éthérique vont devoir, à un certain moment de leur vie, subir l'énergie de l'intelligence. Puis, subir l'énergie de l'intelligence... Il n'y a ni rime ni raison à ça. C'est une poussée, là. Une poussée. spéciale. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça te pousse, final. Tu peux pas penser. Quand qu'ils font cette connexion-là, tu peux pas penser. Tu peux pas rationaliser et dire, bon, mais il est 3 heures du matin. T'es pas capable. T'es barré, là. Mais c'est là qu'elle fait la connexion. Puis quand tu fais le processus, là, la connexion continue à se faire. Puis quand ils sont rendus à ce point-là, c'est à ce moment-là qu'on se déastralise. Puis que l'intelligence de notre intelligence astralisée se connecte à notre intelligence cosmique. Puis là, ils font petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Fait que tu vis au niveau de ton intelligence astralisée. Tu ne vis pas dans l'intelligence cosmique, mais tu vis au niveau de l'intelligence astralisée qui bénéficie de son contact avec l'intelligence cosmique. Et ça, ça te permet d'élever les vibrations de tes corps, puis un jour, ben, il disconnecte complètement de ton intelligence astralisée, puis tu vis dans la conscience de ton corps éthérique. Mais ils sont obligés de le faire lentement parce que on vivra le poids d'une trop grande solitude. Notre intelligence astralisée nous permet de nous connecter par nos sens, par nos émotions, qui nourrissent nos sens au monde de la matière. Parce que vous savez que l'homme a une très grande, a un grand attachement à la matière. La matière, c'est extrêmement sécurisant. La matière, notre maison, notre char, notre maison, nos choses, nos enfants, nos femmes, nos maris. Alors, cette matière a une grande puissance d'attraction pour l'homme. Et tant que l'homme n'est pas prêt, tant que l'homme n'a pas suffisamment de connexion entre son intelligence astralisée et l'intelligence cosmique, ils ne peuvent pas nous séparer de ça. Parce que s'ils nous séparent de ça, on n'a plus rien à vivre ici. Parce que notre corps astral ne fonctionne plus. Si notre corps astral ne fonctionne plus, on ne peut pas vivre sur le plan matériel. C'est trop difficile. C'est une solitude qui est trop pénible. Oui, il y avait une affaire que je me disais, c'est que quand on parle avec quelqu'un et qu'on ne résume pas ce que la personne dit, mais on peut juste suivre le mouvement de ce qu'elle dit et on ajoute à son mouvement, ben il ressent la possibilité d'ajouter à son mouvement. Tu finis que tu sens le soutien de là-dedans, dans l'échange avec la personne, tu sens aussi l'énergie qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus conscience du tout. Tu ne sais même plus dans quel endroit tu es, tu es juste dans cette énergie-là. Puis là où des fois la situation monte, puis où tu décroches, c'est quand tu veux revenir dans la matière. C'est quand tu veux, comme tu dis, aller se sécuriser dans la matière. Puis je remarque que souvent, quand tu peux parler avec quelqu'un de plus intelligent, des fois tu refuses la communication avec la personne, ou tu refuses de comprendre des fois inconsciemment, comme pour rester en contact avec la matière. Pour garder une certaine sécurité, parce qu'on dirait que ça fait en guerre. Définitivement, l'intelligence, l'énergie de l'intelligence nous engage dans un mouvement de l'esprit qui nous désengage de la matière, qui nous désengage de l'émotivité de la matière et des formes de la matière. Et il y a des êtres qui se refusent à cette expérience-là parce que ça peut être pour eux autres pénible. Ça peut être même traumatique pour eux autres parce que ça dérange. L'ego n'aime pas être dérangé. C'est que quand on fait un geste comme ça, ce qui était inscrit planétairement devient déprogrammé, c'est là que la connexion se fait. Ouais. Ouais. Tout ce qui est inscrit planétairement devient déprogrammé parce qu'on perd la mémoire de la valeur émotive de notre relation avec la matière. Donc on tombe dans un autre état d'esprit. Moi, j'ai rien que parlé un petit peu comme ça tout à l'heure avec vous autres, là. Puis, c'est comme si le monde, c'était disparu complètement, puis là, je rentre dans une sphère. La sphère est à peu près au niveau ici, là. Puis, c'est une sphère complète, là, puis je rentre dans cette sphère-là. Puis, ça, c'est l'état du mental. Puis, si j'allais continuer, j'allais rentrer là-dedans, là, mes yeux seraient devenus gallo, mais je serais rentré là-dedans. Puis après ça, ben, je serais sorti de mon corps. Et ça. Fait que. On peut le faire. Ça se fait à un niveau inférieur entre nous autres. Ça. Mais on ne réalise pas. Mais c'est justement là qu'ils se soudent, qu'on se soude les uns aux autres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va se souder. Puis il faut qu'on se soude. Il faut que tout le monde, sa planète, qui fait partie de cette couche. Alors, je vais vous dire quelque chose d'intéressant en parlant de ça. Il y a trois cercles sur la planète. Il y a un cercle interne, fermé, pas beaucoup de monde. Il y a un autre cercle. Et les trois cercles ont des facultés différentes. Le cercle interne fermé que moi je connais est un cercle qui a accès à l'information. Il y a un autre cercle en dehors de celui-là qui transmet l'information. Même je peux vous dire, ceux qui appartiennent à ce cercle-là, il y a toi. Il y en a beaucoup d'autres parmi vous autres, là, mais je parle de ceux que je pointe tout le temps. Il y a Ménard, il y a Bessette, Grotto. Ça, c'est le cercle qui transmet l'information. Puis à l'extérieur de ça, il y a un autre cercle qui reçoit l'information. Je leur ai demandé quelle différence qu'il y a entre un cercle et l'autre cercle. Puis le cercle qui a accès à de l'information, le cercle qui transmet l'information et le cercle qui reçoit l'information. C'est ça qu'il avait dit? Oui. Bon. Alors, le cercle qui a accès à de l'information n'est aucunement intéressé à l'information. Ça, c'est bien particulier de ce cercle-là. Ce cercle-là n'est aucunement intéressé à l'information. L'autre cercle qui transmet l'information, puis ensuite, le cercle qui reçoit l'information. Le cercle qui reçoit l'information, qui est le cercle extérieur, que je considère le grand cercle de l'humanité, éventuellement, ce cercle-là va recevoir de l'information pour sa protection. C'est ça qu'il avait dit Angidel, pour sa protection? Le cercle qui transmet de l'information, il n'avait pas expliqué trop ça. Il disait que le cercle extérieur qui reçoit de l'information, c'est pour sa protection plus tard. Le cercle qui a accès à de l'information n'est pas intéressé à l'information, puis n'est pas impliqué dans la protection, dans sa protection. Ce cercle-là est déjà protégé, il n'a pas à se protéger. Il est déjà protégé. Alors, au niveau de la soudure qu'on parlait tout à l'heure, il doit se former une soudure entre le cercle qui transmet de l'information et le cercle qui reçoit de l'information à l'extérieur. Il y a une soudure qui doit se former. C'est pour ça que, pendant les années que je parle, je donne de l'information qui va servir plus tard à ceux qui transmettent de l'information à créer de la soudure avec ceux qui reçoivent l'information. Et cette soudure-là, elle est essentielle à la continuité de la race humaine sur la Terre. Si cette soudure-là ne se faisait pas, la race humaine sur la Terre serait détruite. Parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'informations dans la race humaine pour permettre à un certain nombre d'hommes et de femmes d'être protégés contre les événements de la fin du cycle. C'est pour ça que quand je parle de l'importance des gens d'apprendre à communiquer et à parler pour qu'ils se fassent cette soudure et les conditions de cette soudure, j'en parle d'une façon extrêmement rigoureuse et j'en parle d'une façon réellement prophétique, même si les gens ne peuvent pas le voir. Puis le plus drôle là-dedans, le plus macabre dans un sens, c'est que les conditions de fin de cycle sont en proportion avec cette soudure. De sorte que les gens qui sont capables de faire cette soudure-là sont connus. Ils ont déjà la capacité. Et les gens qui n'ont pas la capacité pour faire cette soudure-là pourront pas vivre le choc de la fin de cycle. Parce que dans la fin de cycle, il va se produire une chose, c'est que les gens qui sont dans le cercle, qui ont accès à de l'information, ne seront plus sur le plan matériel. Et n'étant plus sur le plan matériel, ils vont communiquer par télépathie avec ceux qui transmettent de l'information. Et ces gens-là vont la transmettre au troisième groupe. Alors, le problème de soudure n'est pas en relation avec ceux qui ont accès à de l'information et qui ne sont pas intéressés à l'information. Il est en relation avec ceux qui transmettent et ceux qui recevront. Parce que ceux qui transmettent automatiquement seront en liaison télépathique avec ceux qui ont accès à de l'information. Fait que le problème au niveau de l'humanité, il est, dans ma vue des choses, il est très sérieux. Il n'est pas grave. Il est sérieux. C'est pour ça que je parle des complexes, puis je parle de la conscience astrale, puis je parle de ces aspects de la conscience astrale qui bloquent le développement de la résonance dans l'individu, parce que ce sont les individus qui auront accès à la résonance de leur intelligence qui pourront vivre la soudure avec ceux qui transmettent. Parce que tu sais qu'il vient un point que les hommes n'auront plus, ils ne seront plus capables de discuter. Les hommes n'auront... Il y a tellement d'informations qui vont passer dans le monde. Ça va être comme un blitzkrieg. Tous les gens dans le monde qui sont plus ou moins des stations de réception vont être connectés. Et l'information va passer, puis il y a des gens qui vont en percevoir et qui vont le réaliser instantanément parce qu'ils auront la résonance. Et au niveau de cette résonance-là, il n'y a plus d'intellect qui rentre en jeu. Fait que ceux qui auront la résonance vivront cette soudure-là. Puis c'est ce processus-là qui va s'étendre à l'échelle mondiale des années qui suivent jusqu'à la fin du siècle. C'est pour ça que je commence présentement à traduire mes cassettes en texte pour que ça aille un peu en Californie, que ça aille aux Indes, que ça aille en Espagne, que ça aille en Allemagne, parce que ça va vite après. Parce que les sens sont déjà formés, les sacs sont déjà formés, les unités réceptrices sont déjà formées. Il s'agit simplement qu'ils reçoivent le matériel pour que s'ils ont la résonance, ça s'enregistre tout de suite, pour qu'ils puissent faire éventuellement la soudure, vivre la soudure. Parce qu'un des grands secrets de la sixième race, c'est que ceux qui recevront l'information de ceux qui la transmettent, ceux qui recevront de l'information de ceux qui la transmettent recevront de l'information qui aura déjà été transmise à ceux-là qui la transmettent, mais d'un autre niveau. Ça va partir du niveau éthérique au niveau physique, puis continuer vers le troisième siècle. Alors, l'information, c'est comme là, c'est pas l'information qu'on vit présentement qui est importante. L'information qu'on vit présentement, c'est simplement une énergie préparatoire à la soudure. On n'est pas encore dans la soudure. La soudure, elle va venir vers 1987. La soudure. Tu regarderas dans tes affaires planétaires. Alors, la soudure, elle va venir vers 87. Puis, quand elle va venir, cette soudure-là, elle va partir d'un courant extrêmement précis vers ceux qui transmettent dans différents pays, puis vers ceux qui reçoivent. Alors, le matériel qui est donné maintenant est pour tout le monde, et pour ceux qui transmettent, et pour ceux qui reçoivent. Mais quand le temps va venir, ce matériel-là n'aura plus d'importance. Parce que le courant qui va lier les trois cercles ensemble, ça va être un courant télépathique vibratoire, ajusté au mental de ceux qui transmettent, vers le mental de ceux qui auront été préparés. Ça, c'est un du matériel de préparation pour mettre tout le monde, non pas sa même longueur d'onde, mais sur le même réseau des circuits universels. C'est comme si c'est pour créer un gros net autour de la Terre, de matériel qui est indiscutable. Et une fois que ce matériel-là sera répandu autour de la Terre, là, viendra le temps pour la soudure, ça va passer. Pss, pss, pss. Parce qu'il ne reste pas grand temps, il reste quelques années, dans le fond, si on attend, on regarde la fin du cycle. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est pas de ça, ça fait longtemps, puis c'est l'autre, vous voyez dans le groupe, vous voyez des personnes réservoirs. l'énergie. Il n'aurait pas utilisé l'information, mais sans l'énergie. Une sensation que cette énergie-là, dans ces personnes-là, nourrissait justement les transmetteurs. Nourrissait en ce sens, donnait du support, on peut dire, à des transmetteurs. Et qu'il y avait d'autres personnes, je rappelle, qui structuraient suffisamment de cette énergie transmise pour être capable de fonctionner, de continuer à fonctionner de la même. Oui. C'est au niveau de la structure que le travail de M. Bull doit se rendre compte. Oui, puis c'est un travail totalement abstrait, hein? C'est totalement abstrait, c'est d'individu à individu, individu à individu. C'est totalement abstrait, ce travail-là. Il n'y a aucune structure sociale. C'est une structure psychique, vibratoire, mais c'est pas une structure sociale. Alors, il y a des individus. Les individus transmetteurs sont des individus qui ont une résonance particulière à l'intelligence. Une fois que ces individus-là, qui ont une résonance particulière à l'intelligence, sont capables de se reconnaître, ils deviennent actifs. Il faut qu'un individu puisse être capable de se reconnaître dans sa résonance vibratoire pour devenir automatiquement actif. Alors, le matériel qui est diffusé présentement et qui va être diffusé dans différents pays va rendre des individus conscients de leur résonance. Et automatiquement, ces individus-là, étant liés par résonance à ceux qui ont accès à l'information, vont pouvoir fonctionner quand il va s'agir que ceux qui sont à l'extérieur et qui doivent recevoir l'information puissent vivre de la soudure. Parce que ceux qui sont à l'extérieur et qui vont vivre de la soudure sont des êtres qui seront plus astrales. C'est réellement le bas de la pyramide, mais le bas faisant quand même partie de la pyramide. Mais c'est le bas de la pyramide. Comme le deuxième cercle est plus astral que le premier qui se prépare. Exactement. Comme le deuxième cercle est plus astral. Ouais, comme moi, je te regarde là, puis il y a une barre. Il y a une barre bleue là, qui coupe ton corps astral juste ici, là, puis qui rentre juste dans ton œil droit. Puis cette barre bleue là, c'est cette barre-là qui détermine si tu fais partie du deuxième ou du troisième cercle. Moi, je peux pas te dire. Et chacun de vous autres, vous avez une barre bleue qui ce qu'elle dit, Madame Robida. Comprenez-vous ce que je veux dire, vous? Regardez un visage humain, là, puis regardez un visage humain qui... Bon, on va l'expliquer de cette façon-là, comme ça, je ne me trahirai pas. Regardez un visage humain qui fait partie du deuxième cercle, puis regardez un visage humain qui fait partie du troisième cercle. Puis donnez-moi la différence. Capable d'avoir la différence? C'est pas en couleur, c'est en énergie. Ouais. Dans l'énergie du troisième, comme si la personne, elle est encore, il y a une certaine opacité. Dans l'autre, elle est plus transparente. Dans la deuxième, puis dans la première, il n'y a plus de couleur. En termes de couleur, je vois comme ça. Ouais. Mais pas en termes de barre de couleur. Mm-hmm. Mais si je parle de ces 3-7-là, vous comprenez ce que je veux dire? Tu l'as toujours su, toi? 3 cercles? Puis je vais en revenir à l'affaire des 3 cercles. Puis c'est pour ça que je dis, pour le moment, c'est très important. C'est pas important que les gens soient dans le 2e cercle ou dans le 3e cercle. D'abord, t'es où ce que t'es. Mais la mécanique des cercles est importante. La mécanique. Et la mécanique, elle est totalement, elle est déjà dans chacun de nous autres. Elle est là. C'est pour ça, quand je vous dis à vous autres, par exemple, essayez de percevoir ou essayez d'avoir, de développer une confiance. Comment est-ce que j'ai dit ça ce soir? Confiance dans les mots. Ouais, confiance dans les mots. Pas dans ce que je dis, mais dans les mots. Tu l'avais expliqué, ça, cette affaire-là, comment est-ce que... Que pour avoir de la confiance, il faut mettre une énergie qui est au-delà de l'inconnu. C'est une confiance implique. Ouais. Ça implique un inconnu. Donc, dans un mot, il y a en soi toute une forme d'action sous-entendue. La confiance, c'est comme si c'était l'énergie que tu mettais dans l'inconnu du mouvement que tu vas engager. Que tu vas t'engager dans ce mouvement-là par le mot. Là. Donc, le mot, tu dis un mot. Ça engage une action. Si tu mets de la confiance dedans, ça engage une énergie et un mouvement. Et si on fait confiance dans le mot que tu dis, dans l'énergie du mot. Mettre une confiance dans l'énergie du mot, pas dans le mot. Parce que si vous mettez une confiance dans l'énergie du mot, vous allez pouvoir rentrer dans l'intelligence du mot. Et si vous rentrez dans l'intelligence du mot, vous allez voir l'esprit du mot. Puis si vous êtes suffisamment fort dans votre esprit, le mot va vous amener là où vous devez aller. Et là où vous devez aller, c'est le point de travail, le lieu de travail auquel vous appartenez dans l'état terrestre. Et vous comprenez ça, vous? Je reviens toujours à vous parce que je vous connais de... On utilise moi, là, la puissance du mot? Non. Vous servez de mon énergie pour vous transporter dans le temps de votre esprit. Vous comprenez ça, vous? Oui. Okay. Alors, ceux qui sont capables de se servir de mon énergie, puis ça implique avoir la confiance dans l'énergie de mes mots, automatiquement, vous vous transportez dans le temps de votre esprit, puis automatiquement, il vous est donné la capacité, au fur et à mesure que vous vous habituez, là, il vous sera donné la capacité de savoir exactement ce que vous allez faire vers l'an 2002. Vous pourrez savoir exactement ce que vous allez faire, vous pourrez savoir ce que vous allez être, vous pouvez savoir comment vous allez être amené là. Parce que vous ne pouvez pas passer par l'astral pour connaître votre avenir. Si vous passez par l'astral pour connaître votre avenir, vous allez être bloqué net, vous allez être amené sur un vrai merry-go-round. Mais si vous passez par l'énergie des mots pour connaître votre avenir, vous entrerez dans le temps de votre esprit et vous comprendrez parfaitement votre avenir. Comment est-ce qu'on peut entrer dans l'énergie? Vous allez rentrer dans l'énergie du mot aussitôt que vous allez être prête à rentrer dedans. Il y en a qui sont prêtes, il y en a d'autres qui seront prêtes demain, il y en a d'autres qui seront prêtes après-demain. Dans 5 ans, dans 4 ans. Mais vous entrerez dans l'énergie du mot. Puis éventuellement, vous réaliserez que les cassettes que je lègue aujourd'hui au public sont des transports d'énergie. Quand vous comprendrez que les cassettes que je vous donne sont des transports d'énergie, ce sont des véhicules qui font partie de la science de l'intelligence. À ce moment-là, les cassettes seront extrêmement précieuses pour vous autres, puis éventuellement, les cassettes deviendront pour vous autres des formes de télévision. Comprenez-vous ça, vous? Oui. vous permettront d'accéder à l'autre monde. Qui vous permet... Exactement. C'est par les cassettes que vous serez amené à rentrer dans le temps de votre esprit. Les cassettes sont dans la matière la densification de l'énergie de l'intelligence. Les cassettes sont de l'intelligence condensée. Les cassettes sont des systèmes vidéo pour votre esprit supérieur. À ce moment-là, si on rentre dans le mot, on s'en va jusqu'au mouvement inverse, juste en suivant la densité, là, Vibration. Vibration, oui. Toujours la vibration. Pas le mot. Le mot, c'est une fois. Mais la vibration. Oui, la vibration, oui. Ah. Ça a changé la vitesse du mental. Ça change automatiquement la vitesse du mental, puis ça vous permet de vous déplacer dans votre mental et d'arriver éventuellement là où vous devez reconnaître ce que vous êtes. Les cassettes que tu... dont tu parles, c'est les cassettes qui sont remises à Juliette. Les cassettes que je vous fais, là, que je fais à tous les trois mois. Là. Pas les cassettes avec Charles. Non, non, non. Les cassettes que je fais à tous les trois mois, là, qui sont sous mon contrôle personnel quand je parle. Qu'est-ce qui fait vraiment avec un côté de ça, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de comprendre l'importance de la nature de l'intelligence. L'intelligence, c'est bien occulte. L'intelligence, c'est pas ce que vous pensez que c'est. L'intelligence, c'est une énergie. Et l'intelligence peut devenir lorsqu'elle est dans une forme quelconque, un véhicule pour le déplacement dans l'esprit de l'homme, de son énergie fondamentale qui est la conscience éthérique du mental supérieur. Là, je vous le dis là parce que c'est le temps. Il y en a qui sont prêts un petit peu plus à rentrer dans ça. C'est quand je dis que j'ai pas commencé à vous parler encore... J'ai même pas besoin de me déplacer dans le monde pour créer là. J'ai rien à mettre des cassettes dans le monde. On a l'impression que c'est nous autres qui se parlent. Oui. Que quelqu'un dit juste quelque chose qu'on sait. Mm-hmm. À ce moment-là, on la sent, cette énergie-là. Oui. On entendrait parler, puis ça ferait à l'intérieur d'une autre chose. Oui. Je pense que c'est ça. Oui. Alors, parmi vous autres, il y a une personne, ça c'est la femme de M. Robidoux. Parmi vous autres, il y a une personne qui a la capacité de vous faire comprendre ce que j'appelle l'intelligence visuelle de l'énergie. La capacité de faire comprendre l'intelligence visuelle de l'énergie. Je ne peux pas vous en dire plus que ça pour le moment, là, mais je vous l'indique, la personne. Comme vous indiquerez toutes les personnes qui ont... Est-ce qu'elle peut donner des clés pour nous faire accéder Elle peut vous donner... Je ne peux pas le dire encore. Je vous le dirai quand ça sera le temps. Il y a du monde dans le monde qui sont prêts, qui ont des facultés. Et ces facultés-là sont pour vous autres des outils de travail. Et chaque faculté convient à un temps. Puis il y a une progression de ça. Puis dans le monde, sur la Terre aujourd'hui, il y en a 92 facultés. Et les gens auront accès à ces 92 facultés. Et quand l'homme aura connu toutes les 92 facultés, l'homme rentrera dans l'état. C'est pour ça que c'est très important que vous vous parliez, que vous vous rencontriez, que vous vous entreteniez, que vous vous détachiez de la personnalité des gens et que vous vous occupiez seulement de leurs facultés. C'est une soirée importante à soir pour 3-4 personnes dans la salle. Ils veulent pas non plus, c'est pour ça qu'ils contrôlent tellement le timing de tout ce que je dis, ils veulent pas créer. Parce que c'est très facile à l'ego de mystifier puis de mystifier. C'est très facile à l'ego de s'embarquer astralement dans quelque chose. L'ego doit s'embarquer dans rien. Il doit être en dehors de tout. C'est là qu'il s'embarque dans quelque chose. Aussitôt qu'il s'embarque dans quelque chose, il est en dehors de tout. Si c'est dit à l'intérieur, il essaie de se l'approprier. L'ego veut tout s'approprier quelque chose. D'abord, ceux qui ont des facultés. Ceux qui bénéficieront de ces facultés-là en sentiront le besoin dans le temps. Ainsi de suite. Chaque homme et chaque femme est sur la terre placée au bon endroit, au bon moment. On n'a pas à se presser. Les facultés sont importantes, c'est faire ce qu'on en fait. C'est faire ce qu'on en fait qui est important. Les facultés sont là. On aura au cours des années qui viennent à découvrir énormément de choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Parce que ça ne s'imagine pas d'intelligent. Donc, automatiquement, le courant d'énergie ne peut pas être réalisé par l'imagination. Il est réalisé par le taux vibratoire auquel on a accès quand c'est le temps. Puis on peut aller plus vite. Il y a des gens qui... Ils disent que c'est important que les gens réalisent aujourd'hui que l'intelligence, c'est de l'énergie. Il est temps que les gens commencent à réaliser ça, que l'intelligence, c'est de l'énergie. On réalise que 92 facultés viennent de l'énergie. Les 92 facultés sont liées à cette énergie-là. Ils sont une manifestation de cette énergie. Ça, vous comprenez ça, ce que j'ai dit, vous, madame? C'est fatiguant, vous comprenez ça? Oui. Comprenez-vous la relation entre vous et votre mari? La relation. Je vais vous en donner un autre aspect de la relation entre vous et votre mari, qui est un aspect extrêmement important, que vous devez tous les deux prendre bien objectivement. Votre mari sert à retarder en vous ce processus de développement-là, pour votre protection. Comprenez-vous ça? Oui. Ok, oubliez-le pas. Ça marche, ça? Bien important, ça. C'est pour ça. Ça vous, ce qui me fait de la peine, c'est que les gens, à cause de l'ego, à cause de l'inconscience, à cause du fait qu'ils n'ont pas l'intelligence de leur réalité,